Mark M. Dan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix, traduction faite sur l'édition de Séville de 1702, publiée par les soins des Carmélites de Paris, librairie religieuse Houdin 1893, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 14. Explication des trois derniers vers de la strophe. Oh, l'heureuse fortune, je sortis sans être aperçu, alors que ma demeure était pacifiée. L'heureuse fortune que chante l'âme dans le premier de ses vers, trouve sa raison d'être dans les deux suivants. Elle y dit, par allégorie, qu'étant sortie la nuit de sa maison, au milieu d'une obscurité profonde, alors que tout était endormi autour d'elle, il lui a été plus facile d'accomplir son dessein sans être entravée dans sa fuite. L'âme a conçu une entreprise aussi héroïque que merveilleuse, à savoir, de s'unir à son divin amant. Il faut donc qu'elle sorte dehors, parce que le bien-aimé habite à l'écart dans la solitude. C'est là que l'épouse des cantiques désirait le trouver seul. Qui vous donnera à moi pour frère, afin que je vous trouve dehors et que je vous donne un baiser? Cantique 8, 1. Ne convient-il pas à l'âme éprise d'amour de suivre la même marche, pour atteindre le but si désiré? Elle sort au milieu de la nuit, quand tous les gens de sa maison sont ensevelis dans le sommeil, c'est-à-dire, lorsque ses grossières opérations, ses passions, ses convoitises sont amorties et éteintes, car si par malheur elle venait à se réveiller, elle troublerait l'âme et s'opposerait en ennemie à sa sortie. Ce sont ces domestiques dont notre divin Sauveur a dit, dans le Saint-Évangile, que l'homme a pour ennemi ceux de sa propre maison, Matthieu 10, 36. Les mouvements déréglés des passions ont dû nécessairement être comme suspendus dans les ténèbres de cette nuit, afin que l'âme pût avoir part au bien surnaturel de l'union, à l'acquisition desquels leur action inquiète et turbulente fait sans cesse obstacle. Comprenons-le enfin, l'activité et les opérations de l'âme lui nuisent au lieu de lui être un secours. Toute sa capacité naturelle est impuissante à lui procurer les faveurs surnaturelles dont Dieu veut la gratifier d'une manière infuse, dans le secret du silence. C'est donc une heureuse fortune que Dieu ait enchaîné tous les gens de sa maison, c'est-à-dire toutes les puissances, les passions, les affections et tous les appétits de l'âme sensitive et spirituelle, sans leur permettre de mêler leur action basse-ville à son action divine. Alors sans être aperçu, et sans être arrêté, puisqu'au milieu de cette nuit tous ses ennemis ont été réduits en servitude, l'âme a pu parvenir à l'union spirituelle du parfait amour de Dieu. Quel bonheur d'avoir pu sortir ainsi de la maison de sa sensualité. À mon avis, celui-là seul qui en a fait l'expérience pourra le bien comprendre, il verra clairement combien l'esclavage où il languissait était fâcheux, et à combien de misère l'assujettissait ses passions, ses goûts et ses appétits déréglés. La vie de l'esprit lui apparaîtra alors comme la véritable liberté, qui apporte avec elle une abondance de biens inestimables. Les strophes suivantes les feront mieux connaître encore, et prouveront que l'âme a raison d'appeler heureuse fortune le passage de cette terrible nuit. Chapitre 15. Explication de la seconde strophe. Pleine d'assurance dans les ténèbres, je sortis déguisé, par un escalier secret, ô l'heureuse fortune, dans l'obscurité et en cachette, alors que ma demeure était pacifiée. Dans cette strophe l'âme exhale de nouveau quelques-unes des propriétés de la nuit obscure, et les précieux avantages qu'elle y a trouvés, elle y réfute une objection qu'on pourrait lui faire, les tourments, les angoisses, les doutes, les craintes et les horreurs de cette nuit ténébreuse semblaient un acheminement assuré à sa perte, du moins on aurait pu le croire, mais, bien au contraire, loin de se perdre. Elle s'est gagnée dans l'obscurité de la nuit, à la faveur de ses ombres, elle a échappé subtilement à tous ses adversaires et aux pièges qu'ils tendaient sous ses pas, en changeant de vêtements. Elle a pris pour déguisement une triple livrée de couleurs différentes, dont nous parlerons plus tard. Enfin, elle s'est évadée par un escalier très secret, inconnu même aux personnes de sa maison. Cet escalier, nous le dirons en son lieu, c'est la foi vive. Sa sortie s'est effectuée avec tant de prudence et de mystère, que son entreprise a été couronnée du plus heureux succès. Comment n'aurait-elle pas été en sûreté au milieu de cette nuit, dont les épreuves ont servi à mortifier et à affaiblir ses tendances, ses affections et ses passions déréglées, ennemis qui, s'ils eussent été vivants et éveillés, n'eussent jamais consenti à sa fuite? Chapitre 16. Exposition du premier vers. Comment l'âme marche en assurance au milieu des ténèbres. Pleine d'assurance dans les ténèbres. L'obscurité dont l'âme parle ici, regarde, nous l'avons dit, les passions, et les puissances sensitives intérieures et spirituelles, dont la lumière naturelle est obscurcie par les ténèbres de cette nuit, qui les purifie et les rend capables de recevoir les influences de la lumière surnaturelle. Les appétits de l'âme sont maintenant assoupis et affaiblis, au point de ne pouvoir plus goûter rien de divin ou d'humain. Ses affections opprimées, réduites à l'inaction, sont dans l'impossibilité de trouver aucun appui. L'imagination est liée, incapable d'aucun bon raisonnement, la mémoire paraît éteinte, l'intelligence, obscurcie, la volonté, aride et pressée de toutes parts. En résumé, toutes les facultés semblent suspendues dans le vide, une épaisse nuée de ténèbres enveloppe l'âme ainsi torturée, l'accable et paraît devoir la séparer de Dieu. Cependant, l'âme affirme que, pleine d'assurance, elle avance dans les ténèbres. Comment cela? La raison en est claire. La source ordinaire de nos illusions n'est-elle pas dans nos appétits, nos attraits, nos raisonnements, nos conceptions, nos affections, qui le plus souvent nous entraînent à des excès d'un côté ou de l'autre, nous exposent au changement et nous font tomber en mille extravagances, dès lors que ces affections et ces opérations déréglées sont anéanties, l'âme est assurée d'échapper aux dangers dont elles sont le principe. Non seulement elle est délivrée d'elle-même, mais encore elle échappe à ses autres ennemis, le monde et le démon, qui demeurent désarmés et ne trouvent plus d'issue pour pénétrer jusqu'à elle. Il en résulte, que plus l'âme s'avance au milieu des ténèbres, et fait cesser ses opérations naturelles, plus elle est en sécurité. Votre perte, ô Israël, ne vient que de vous. C'est de moi seul que vous pouvez attendre votre secours, s'écrit le prophète, Osée 13, 9. C'est-à-dire que la perte de l'âme vient de ses actes mauvais et du dérèglement de ses appétits intérieurs et sensitifs, mais la source de tout bien, ajoute le Seigneur, émane de moi seul. Il est aisé, en effet, de se convaincre, si l'on veut y réfléchir, que pendant la durée de cette nuit les affections et les puissances se laissent rarement entraîner à des choses vaines et inutiles, de là mille maux auxquels on échappe, l'orgueil, la présomption, la vaine gloire, les joies frivoles et trompeuses, etc. Une fois délivré de toutes ces misères, le cœur offre un libre accès au bien de l'union d'amour, qui doivent diviniser ses puissances et ses affections. En un mot, bien loin de s'égarer en cherchant sa voie à travers les ténèbres, l'âme y a trouvé la source des plus grands biens par l'acquisition des vertus solides. Une objection se présente aussitôt. Pourquoi le Seigneur jette-t-il dans les ténèbres les puissances et les affections même à l'égard des choses spirituelles, qui par elles-mêmes apportent à l'âme de si précieux avantages? Et lui assure une si entière liberté, pourquoi les rend-il incapables d'en jouir et de s'en occuper, moins encore peut-être que de tout autre objet? Voici ma réponse, Les tendances et les opérations de l'âme étant basses et impures, il est juste qu'elles soient sevrées, même des biens d'en haut, autrement elles mêleraient aux communications surnaturelles leur propre imperfection. Chaque chose, dit le philosophe, est reçue selon la capacité de celui qui la reçoit. Les puissances naturelles n'ont ni pureté, ni force, ni aptitude pour apprécier les choses surnaturelles dans leur impulsion divine, il convient donc que les ténèbres leur dérobent pour un temps les biens célestes, afin de les disposer à une parfaite purification, après la mort du vieil homme, c'est-à-dire, après l'anéantissement et l'entière purification de ses facultés. L'âme perd sa manière imparfaite d'agir et de recevoir. Elle devient apte à connaître et à savourer les choses divines d'une façon sublime et très élevée. Avant d'en être arrivée là, en vain essayerait-on de diriger vers Dieu les affections et les puissances humaines, en vain croirait-on le goûter en réalité, on ne saurait le faire ni divinement, ni parfaitement, parce que tout ce qui est spirituel doit être communiqué d'en haut, à l'esprit et à la volonté de l'homme, par le Père des Lumières. Si c'était ici le lieu d'en parler, nous pourrions affirmer que bon nombre de personnes, dont les affections et les opérations intérieures se portent avec joie aux choses spirituelles, s'imaginent dès lors que ces sentiments, ces attraits, sont purement surnaturels. Mais il n'en est rien, il est certain, au contraire, que ces actes sont plus ou moins naturels et humains. Ces âmes sont douées d'une certaine facilité naturelle, qui incline leurs facultés vers tout ce qui se présente. Cette disposition les accompagne partout et se mêle également dans les meilleures choses. La suite de ce traité nous fournira peut-être l'occasion d'indiquer les signes auxquels on pourra reconnaître si les mouvements et les actes intérieurs de l'âme sont naturels ou surnaturels, dans ses communications avec Dieu, ou enfin quand le spirituel et le naturel s'y mêlent à la fois, qu'il suffise de savoir pour le moment que les actes et les sentiments de l'âme ne seront jamais capables de recevoir l'impulsion divine. Avant d'avoir soumis leurs opérations naturelles, et de les avoir pour ainsi dire réduites à néant, dans les obscurités de cette nuit, ô âme spirituelle, ne vous plaignez pas de sentir vos puissances livrées à l'angoisse des ténèbres, vos affections stériles et paralysées, vos facultés impuissantes à tout exercice de la vie intérieure, estimez plutôt ces épreuves comme une heureuse fortune. En vous enlevant votre manière imparfaite d'agir, le Seigneur vous délivre ainsi de vous-même. Malgré le bon emploi que vous eussiez fait d'ailleurs de vos facultés, leur impureté et leur ignorance ne vous eussent jamais permis d'obtenir un résultat aussi parfait et une sécurité aussi entière. Dieu vous prend maintenant par la main, et se fait lui-même votre conducteur au milieu des ténèbres. Il vous guide comme un aveugle, par un chemin inconnu vers le terme, où ni vos lumières ni vos efforts n'eussent jamais pu vous conduire. Une nouvelle raison de la sécurité de l'âme et de sa marche progressive au milieu des ténèbres, c'est que les progrès dans la perfection viennent d'ordinaire précisément du côté où on les attend le moins et alors que tout semble perdu, à l'entrée de cette nouvelle voie, qui renverse ses premières méthodes, l'étonnement de l'âme est grand. Aussi, loin de constater des progrès, sa perdition lui paraît certaine, et, de fait, elle se perd par rapport à ses connaissances et à ses attraits d'autrefois, pour être introduite dans une région inconnue, où rien ne lui plaît. Elle est semblable au voyageur qui, se dirigeant vers une terre étrangère, doit s'en rapporter non à sa propre expérience, mais aux indications d'autrui. L'unique moyen d'arriver au terme de son voyage sera évidemment de prendre des sentiers nouveaux et ignorés, et d'abandonner ceux qu'il fréquentait. Ainsi en est-il de l'âme. Ses progrès dans la perfection sont en raison directe de ses obscurités et de ses ignorances. Dieu est ici le maître, qui se charge de conduire cet aveugle, autrement dit l'âme, Celles-ci le comprennent désormais et s'écrient avec allégresse, pleine d'assurance dans les ténèbres, la sécurité de l'âme parmi les obscurités de la nuit s'appuie encore sur un autre motif. C'est que la voie de la souffrance est de beaucoup préférable à celle de la jouissance et de l'activité personnelle, et infiniment plus sûre. Dans la souffrance, Dieu augmente nos forces, tandis que l'action et la jouissance nous livrent à nos faiblesses et à nos imperfections. Souffrir, c'est aussi se purifier, s'exercer à la pratique des vertus, et croître en sagesse et en prudence. Enfin, la lumière divine ou la sagesse obscure dont l'âme est environnée, est la raison majeure qui assure sa sécurité. Envahie et absorbée par cette obscure nuit, l'âme est attirée si près de Dieu, qu'elle est protégée de sa droite et délivrée de tout ce qui n'est pas lui. Le Seigneur traite cette âme, comme un charitable médecin traite un malade dont on veut hâter la guérison, on lui prescrit une diète sévère, et parce que ce malade est un être chéri, on le place dans un endroit fort retiré, loin des bruits et des rumeurs de la maison. De minutieuses précautions sont prises pour empêcher l'air ou la lumière de pénétrer jusqu'à lui, les aliments les plus délicats lui sont servis, mais en petite quantité, encore à thé, ont moins d'égard à la saveur des mets qu'à leur qualité substantielle, de même l'âme, après avoir été soumise à un traitement analogue, jouira bientôt d'une santé parfaite, en d'autres termes, elle sera admise à la possession de son Dieu. Tous ces avantages de préservation sont les résultats de l'obscure contemplation, qui rapproche l'âme de Dieu. Plus la créature est près de son Créateur, plus épaisses sont les ténèbres. Plus profonde est l'obscurité où sa faiblesse naturelle la plonge. De même, à mesure qu'on approche du soleil, les yeux sont éblouis et aveuglés par l'éclat de sa splendeur, à cause de la faiblesse de la vue, de son infériorité et de son impuissance. La lumière spirituelle est, elle aussi, si éclatante, elle dépasse tellement la portée de l'intellect, que plus il approche du centre de ses clartés, plus il se trouble et s'obscurcit. Le prophète royal dit en ce sens, « Il s'est caché dans les ténèbres, il a dressé une tente autour de lui, les vapeurs ténébreuses des nuées aériennes l'environnent. » Psaume 17, 12. Ces nuées ténébreuses ne sont autre chose que la contemplation obscure et la sagesse divine, dont les âmes sont envahies, comme nous l'expliquons présentement, à mesure que le Seigneur les attire à lui. Elles reconnaissent qu'elles approchent du tabernacle où il fait sa demeure. Ce qui est en Dieu lumière et clarté sublime, est ainsi pour l'homme ténèbres et obscurité profonde, d'après le sentiment de saint Paul. David dit également dans le même psaume, la splendeur de sa présence a dissipé les nuages, Ibidem, 13, ce qu'il faut entendre des lumières naturelles, qui, suivant Isaïe, ne sont que ténèbres épaisses, Isaïe, 5, 30. Aux misérables conditions de la vie humaine, où la vérité est si difficilement reconnue, ce qu'il y a de plus clair et de plus lumineux s'enveloppe pour nous de doute et d'obscurité, nous fuyons ce qui nous est le meilleur, nous recherchons et nous embrassons au contraire ce qui, sous de brillantes apparences, cache un mal réel, et doit être un véritable obstacle sous nos pas. De combien de périls et de craintes l'homme n'est-il pas environné ici-bas, puisque la lumière naturelle qui le guide en éclairant son intelligence, est la première à l'éblouir et à le tromper dans les voies de Dieu. S'il veut donc être assuré de suivre la ligne droite, il doit, de toute nécessité, fermer les jeux de son entendement, et s'avancer dans les ténèbres sans s'inquiéter des ennemis domestiques, qui sont ses sens et ses puissances naturelles. L'âme se trouvera, à coup sûr, bien cachée et bien protégée par ces nuées ténébreuses dans lesquelles Dieu se dérobe à sa vue, et où il a établi sa demeure et son tabernacle. Elles seront aussi la demeure, Le tabernacle de l'âme, un rempart, un lieu de sûreté à l'abri duquel elle vivra protégée contre elle-même et les créatures. C'est de ces âmes que parle David dans son psaume, « Vous les cacherez dans le secret de votre face, et les hommes ne pourront point troubler leur asile, vous les défendrez dans votre tabernacle contre les langues qui les attaquent. » Psaume 30, 21. David entend par là une complète et entière protection, car être abrité dans la face de Dieu contre les oppositions des hommes, n'est-ce pas être fortifié par cette obscure contemplation? Contre tous les dangers qui peuvent surgir du côté du genre humain, être dans ce tabernacle hors des atteintes de la contradiction, n'est-ce pas être enveloppé de ces nuées ténébreuses que le prophète appelle le tabernacle de Dieu? Là, tous les appétits de l'âme étant mortifiés, toutes ses puissances, toutes ses affections étant comme paralysées, elle est affranchie des imperfections qui naissaient de son propre fond, ou provenaient des autres créatures et s'insurgeaient contre l'esprit, c'est donc à bon droit qu'elle peut se dire alors, pleine d'assurance dans les ténèbres. Donnons maintenant une dernière preuve, non moins efficace que la précédente, pour achever de démontrer que l'âme, malgré les ténèbres, s'avance avec sécurité, et cela précisément en raison de la force dont elle se sent pénétrée, dès qu'elle entre dans cette nuée obscure et douloureuse qui, toute ténébreuse et pénible à supporter qu'elle soit, ne laisse pas que de fortifier l'âme et de la fermir dans la perfection. Dans cet état, elle se voit animée d'une détermination énergique d'éviter tout ce qui aurait même l'apparence d'une offense envers Dieu, et de ne rien négliger de ce qui peut procurer sa gloire. Cet amour enveloppé de ténèbres excite secrètement dans l'âme une continuelle vigilance à contenter Dieu en tout, et à se demander si ses actions ne lui ont pas déplu en quelque chose. Sa sollicitude devient dès lors beaucoup plus grande que tant des anxiétés de l'amour, dont nous avons parlé, parce que les affections et les puissances de l'âme, dégagées de ce qui est créé, se concentrent en Dieu et emploient toute leur force à le servir et à le glorifier. C'est ainsi que l'âme sort d'elle-même et de toutes les créatures, pour entrer dans la savoureuse et délectable union de l'amour divin, et cela, pleine d'assurance dans les ténèbres. Chapitre 17. Explication du second vers. Comment la contemplation obscure et secrète. Je sortis déguisé, par un escalier secret. Il est à propos d'approfondir le sens de ces trois expressions, déguisé, escalier, secret. Les deux dernières s'appliquent à la nuit ténébreuse de contemplation dont nous nous entretenons. La première se rapporte à la conduite de l'âme dans cette nuit, l'obscure contemplation que traverse l'âme pour arriver à l'union d'amour, est symbolisée ici par l'escalier secret, à cause de deux propriétés dont nous allons parler. La contemplation ténébreuse n'est autre que la théologie mystique nommée par les théologiens sagesse secrète, laquelle, d'après le sentiment de saint Thomas, se communique et s'infuse plus spécialement dans l'âme par la voie de l'amour. Cette communication s'opère en secret dans l'obscurité, en dehors de la participation naturelle de l'intelligence et des autres facultés, qui sont inhabiles à l'acquérir par leur propre force. On l'appelle secrète, parce qu'elle est en quelque sorte versée à l'insu de l'âme par l'Esprit Saint, comme le dit l'épouse des Cantiques. En réalité, non seulement l'âme, mais qui que ce soit et le démon lui-même, n'y comprennent rien, parce que le maître qui l'enseigne, réside substantiellement dans le fond le plus intime de l'âme, elle est encore secrète à cause des effets qu'elle opère, secrète d'abord, lorsque la sagesse mystérieuse purifie l'âme au sein des ténèbres et des épreuves, elle l'est également dans l'état d'illumination, lorsque cette même sagesse est accompagnée d'une plus grande clarté, elle est alors si cachée à l'âme que, pour la discerner et l'exprimer, celle-ci ne trouve aucun terme, aucun moyen, Aucune comparaison ne peut rendre la sublimité de la sagesse et la délicatesse du sentiment spirituel dont elle est pénétrée, elle n'a du reste nulle envie de le faire, et même en eût-elle le désir, le secret de cette sagesse restera toujours un mystère impénétrable, malgré toutes les similitudes qu'on pourrait employer pour la révéler. Cette théologie mystique ou sagesse intérieure est en effet si simple, si spirituelle et si générale dans ses principes, que l'intelligence la reçoit sans être enveloppée sous aucune espèce d'image, ou de représentation capable d'être perçue par les sens, comme cela peut arriver dans d'autres circonstances. De là vient que les sens et l'imagination dont elle ne se sert point pour entrer dans l'âme, ne saisissent ni forme, ni impression, et ne sauraient en rendre raison ni imaginer quelque chose d'analogue, bien que cette mystérieuse et savoureuse sagesse se manifeste clairement à l'intime de l'âme. Figurez-vous un homme qui voit une chose pour la première fois, et qui n'a jamais vu rien de semblable, il peut la comprendre, en jouir, mais il est incapable, malgré tout, de lui appliquer un nom ou d'en donner une idée, bien qu'il s'agisse pourtant d'une chose perçue par les sens. Plus grande encore sera donc son impuissance pour ce qui est hors de leur portée. Tel est le propre du langage divin, plus il est infus, intime, spirituel et élevé au-dessus des sens et plus il échappe à l'harmonie ordinaire des sens intérieurs et extérieurs, et leur impose silence. Les divines écritures nous offrent tout à la fois des preuves et des exemples qui confirment cette assertion. Jérémie manifeste l'impuissance de la parole humaine lorsqu'après avoir entendu Dieu, il ne sait lui répondre que « Ah, ah, ah », Jérémie 1, 6. Le silence de Moïse près du buisson ardent, Exode 4, 10, où Dieu se tenait caché, est également une manifestation de l'anéantissement de l'imagination et de l'impuissance des sens intérieurs et extérieurs. Depuis qu'il avait entendu le Seigneur, il avouait ne savoir ni ne pouvoir plus parler et même, comme le rapportent les Actes des Apôtres, il était tout tremblant et n'osait pas seulement lever les yeux, Actes 7, 32. C'est que cette sagesse de la contemplation est le langage direct de Dieu à l'âme, en tant qu'elle est pur esprit, ce que ne sont point les sens, aussi ne peuvent-ils percevoir ce langage qui est pour eux un secret impénétrable, et ils peuvent encore moins l'exprimer. Nous pouvons conjecturer de là, pourquoi certaines personnes d'un naturel doux et craintif ne peuvent, malgré toute leur bonne volonté, rendre compte à leur directeur de ce qui se passe dans leur intérieur. Elles éprouvent une grande répugnance à en parler et ne savent pas comment le faire, surtout lorsque la contemplation est plus simple, et pour ainsi dire insaisissable à leur propre esprit. Dans cet état, on se borne à affirmer que le cœur est satisfait, tranquille et content, qu'il goûte Dieu et qu'il lui semble que tout va bien. Mais quant à dévoiler ce qui se passe dans ce sanctuaire intime, il est impossible de l'exposer, si ce n'est en termes vagues et généraux semblables à ceux que nous avons dit. S'agit-il de grâces particulières comme des visions, de certains goûts de Dieu, etc. C'est tout autre chose, car ces faveurs se manifestent d'ordinaire sous des formes sensibles, qui permettent de trouver des termes ou des comparaisons pour les exprimer. Mais cette possibilité n'existe pas dans l'état de contemplation pure, qui défie toute description de langage, et que pour cette raison on appelle secrète. Non seulement elle est secrète, mais elle a encore la propriété de cacher l'âme en elle-même, de l'absorber habituellement à un tel point et de l'ensevelir dans un abîme si mystérieux. Que l'âme se sent délaissée et loin de toute créature, elle se voit placée dans une profonde et vaste solitude où nul être créé ne peut avoir accès, dans un immense désert qui n'a pas de limite, désert d'autant plus aimable, délicieux et plein de charme, qu'il est plus profond, plus étendue, plus solitaire, et où l'âme se tient mieux cachée à mesure qu'elle plane davantage au-dessus des choses de ce monde, alors, dans cet abîme de la sagesse, l'âme s'élève et grandit en buvant aux sources de la science d'amour, qui lui dévoile la bassesse de toute condition humaine. En comparaison de ce suprême savoir et de cette connaissance divine, si sublime et si savant que soit le langage qu'on emploie, l'âme reconnaît combien sont viles, insignifiantes et en quelque sorte impropres. Les expressions dont on se sert pour discourir des choses divines, il est impossible d'en avoir et d'en donner une juste idée par les moyens ordinaires, sans l'illumination et le secours de la théologie mystique, éclairée de ses splendeurs. L'âme se persuade facilement qu'on ne peut ni les imaginer, ni les décrire avec la paraphe humaine, et elle a raison d'appeler cette science une science secrète. La contemplation est encore secrète, et on la nomme ainsi, non seulement parce qu'elle est essentiellement surnaturelle, mais aussi parce qu'elle sert de guide à l'âme pour la conduire à la perfection de l'union d'amour, inaccessible à l'intelligence de l'homme, à laquelle on n'arrive qu'en s'avançant dans une divine ignorance, et sans rien savoir du chemin que l'on suit. Selon le langage mystique que nous employons ici, on ne peut comprendre et connaître ces choses telles qu'elles sont tant qu'on est à les chercher, mais seulement quand on les a trouvées et expérimentées. Le prophète Baruch dit à ce propos en parlant de la sagesse divine, « Il n'y a personne qui puisse connaître ses voies, ni découvrir ses sentiers. » Baruch 3, 31. David ajoute en s'adressant à Dieu, « Vos éclairs ont fait briller leur lumière sur toute la terre, elle a été émue, elle en a tremblé, vous avez passé sur la mer, vous avez traversé les eaux les plus profondes, et personne n'y connaîtra la trace de vos pieds. » Psaume 76, 19, 20. Ces textes s'appliquent spirituellement au sujet que nous traitons. Les éclairs qui illuminent le globe terrestre représentent les flots de lumière que la contemplation répand sur les puissances de l'âme, la terre qui tremble et s'émeut. C'est la purification douloureuse que subit l'âme dans la contemplation, le chemin que Dieu s'est tracé sur la mer, ces vestiges qui disparaissent à la surface des eaux et demeurent inconnus, c'est la voie qui mène l'âme à Dieu, mais qui reste aussi secrète, aussi mystérieuse pour les sangs que le serait à nos yeux la trace de quelqu'un qui marcherait sur les eaux, les pas que Dieu fait dans les âmes qu'il veut attirer à lui, et élever jusqu'à la sublime union de sa sagesse, ont le don d'être insaisissable, telle est la vérité que Job proclame à ce sujet. Connaissez-vous, dit-il, les grandes routes des nuées et la science parfaite, Job 37, 7. C'est-à-dire, connaissez-vous les voies et les moyens dont Dieu se sert pour exalter les âmes, et les perfectionner dans sa sagesse que figurent ici les nuées? Il reste donc avéré que la contemplation qui conduit l'âme à Dieu, est une sagesse secrète.